Ézéchiel chapitre 2. Et il me fut dit, Fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je parlerai avec toi. Alors l'Esprit entra dans moi, après qu'on m'eut parlé, et il me releva sur mes pieds, et jouit celui qui me parlait. Qui me dit, Fils d'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi, eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'à ce propre jour. Et ce sont des enfants effrontés, et d'un cœur obstiné, vers lesquels je t'envoie, c'est pourquoi tu leur diras que le Seigneur, l'Éternel, a ainsi parlé. Et soit qu'ils écoutent, ou qu'ils n'en fassent rien, car ils sont une maison rebelle, ils sauront pourtant qu'il y aura eu un prophète parmi eux. Mais toi, fils d'homme, ne les crains point, et ne crains point leurs paroles, quoique des gens revêchent, et dont les langues sont perçantes comme des épines, soit avec toi, et que tu demeures parmi des scorpions, ne crains point leurs paroles, et ne t'effraie point à cause d'eux, quoiqu'ils soient une maison rebelle. Tu leur prononceras donc mes paroles, soit qu'ils écoutent, ou qu'ils n'en fassent rien, car ils ne sont que rébellion. Mais toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis, et ne sois point rebelle, comme cette maison rebelle, ouvre ta bouche, et mange ce que je m'en vais donner. Alors je regardai, et voici, une main fut envoyée vers moi, et voici, elle avait un rouleau de livres. Et elle l'ouvrit devant moi, et voici, il était écrit dedans et dehors, et des lamentations, des regrets, et des malédictions y étaient écrites.